Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Roxane Dulon viendra lisser les activités et événements de la GAUQTR. On apprendra des choses dans le segment presque toujours vrai, c'est un fait. Et les dernières chroniques de Sébastien Dulude. Bon voyage, j'y suis. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 20 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bon carnaval! Wouh! Je vais à Rio. Hey, c'est excitant, ça, pour nous autres, hein? Oui! Avoir les paquets de gens qui se promènent tout nus. Mais Mathieu, c'est la première fois que tu vas le vivre pas à côté. C'est vrai, on a déménagé depuis. Wouhou! Mais on va l'entendre, je pense, de loin quand même. Oui, je pense que oui. Je pense que tout le pavillon va trembler. C'est, oui, il va y avoir une petite couche de bière... À tous les matins dorénavant pour le reste de la semaine. Oui. Mais ça va bien commencer avec du café Baileys, j'imagine, tantôt. Donc, on va pouvoir se commencer. Certains, les autres, pas nous autres, les autres vont non, les autres. Leur journée avec. Non, on pourrait quand même pas dire ça en onde. Surtout pas quand je suis là, t'sais. C'est plus les fêtes. Anxiété. Oui. Ouais. Donc, le carnaval de 2014. Qui commence cette semaine, ben, en fait, qui a lieu cette semaine, pas qui commence. Il commence là, puis finit là aussi. Oui. Lundi à jusqu'à la fin de la semaine, c'était le genre jeudi soir. Ouais. C'est ça, pas mal. Après l'activité, on en parlera plus tard. Hein? Ben oui. Certes. On a toutes les informations pour ça, nous autres. On est des gars sur l'info. Je suis prêt, j'ai tout. Je peux tout te dire ça. On fait ça là, non? Non. Pas vraiment. Mais je suis prêt. D'accord. Mais je suis prêt. T'as la race ben jockey, j'aurais sur ta chaise. Ben jockey. Donc, aujourd'hui, l'émission, on va avoir Roxane Dulon à 8h30 pour sa chronique de la GAUQTR. Comme à toutes les semaines, on va savoir ce qui se passe par la GE, parce que vous savez, le carnaval, c'est pas la GE. Donc, il y a d'autres affaires qui se passent. C'est en collaboration. Collaboration. Oui, aussi. On va aussi faire, étant donné qu'on n'a pas grand-chose aujourd'hui, Sébastien Dulude, il est bien fin, mais on l'utilise comme un petit peu comme plan B aujourd'hui. OK. Ouais, parce qu'on n'aura pas de coulisses de la huître à 8h. Il nous reste encore trois chroniques de Va voir ailleurs, j'y suis, que Sébastien Dulude nous a écrit pour le journal Zone Campus à l'automne. Il a quitté depuis, donc il n'est plus dans le journal, mais on a encore trois chroniques de sa part. On va pas nécessairement les jouer aujourd'hui, on a du temps demain aussi. Donc aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, je pense. D'après moi, on va diviser ça en deux un petit peu. On va jouer une chronique et demie. On arrête en plein milieu de la deuxième. En plein milieu, ben oui. Demain. Assemblage requis. À suivre. Vous aimeriez savoir comment cette chronique finit? Hey, quand ça va être saccadé. C'est ça. Quand on a une chance, pour toi qui va aller. Oui, non. Il y en a lu une, puis on a comme compris que c'était peut-être pas nécessairement pour lui. Non, c'est ça. C'est pas facile de lire dans le style d'un autre. Pas facile de lire. C'est pas facile de lire. Hein, on s'en... Ouais. Avec mon niveau troisième année, c'est pas facile de lire. C'est pas vrai. Donc, on va avoir trois ultimes raisons de rester. C'est trifluvien et la vie est laide. Parfait. Voilà. Après ça, on va avoir son foutu palmarès. Et là, je vous ai réservé un petit peu d'années 90, une fois de temps en temps, étant donné que c'est le thème du carnaval étudiant 2014. On va se faire les modes d'Internet abandonnés des années 90. OK. Tiens. La souris avec fil. Le Awan, hein? Ouais. Le quoi? La souris avec fil. La souris avec... Ah, excuse-moi, je pensais... J'ai entendu le zoo avec fil. Je pensais à l'émission du matin, genre à... À quelle heure? Le zoo du matin! Avec fil! Avec fil! voilà, donc... oui, aussi, le professeur dans l'île de Gilligan, les jouets naufragés, est décédé. Donc, on va faire le top des meilleures inventions du professeur. OK. Dans son foutu palmarès. Pas mal sûr qu'on va avoir le temps pour ça aujourd'hui. C'est un fait qui va débuter l'émission, mais avant ça... Ben en fait, on l'a débuté l'émission, on est là, t'as pas. Mais c'est ça qui arrive. Hein? Ça, on fait des jokes de troisième année. On s'en va entendre Mono Grenade, leur nouvel extrait, Tes yeux. Mes yeux. Ça se voit dans tes yeux que... Je sais pas les. Bonne émission. C'est pour ça que mes jokes ont jamais de punch. C'est ça. Je suis pas capable de lire le punchline. Je te regarde les yeux tout le long de la chanson. Ça me prendrait un souffleur. C'était tes yeux. C'était tes yeux. Ça, c'est le titre de la chanson. Entre guillemets. Entre guillemets. OK. De Mono Grenade. OK. Wow. T'as réussi à lire, là. Moi, j'ai pas eu besoin de te le montrer. Non, mais je me suis juste souvenu que tu l'as dit. Ah, c'est avant ça. La question. Tu triches. Avant la question. Tu sais, avant la question. Là. Avant le groupe de musique, La Question? Oui. Ah, d'accord. C'est un fait. Oh. Moi, je suis la baisse. Plus qu'à mal espérer. Regarde ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, Jean-Philippe, et on a toujours bien du plaisir à essayer de démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Exactement, Mathieu. On a les sources sur assemblagerequis.com, ça veut pas dire qu'on va les voir. Fait... ça veut pas dire que le site Internet existe. Exactement, mais c'est selon Internet, comme toujours, c'est un fait. Et voilà. On n'est pas une émission... si plaisante. Oui, on n'est pas à Télé-Québec. Hein? en Argentine, un groupe de 5 chiens, chiens de ruelle, si on veut, c'est des chiens qui n'ont pas vraiment de propriétaire, ont sauvé une fille de 12 ans des mains d'un homme qui essaie de la violer. Hein? 5 chiens. Comme ça. Hein? Pas pire. Mm-hmm. J'espère que leur sort sera meilleur plus tard. Pour les chiens, ils n'ont pas de propriétaire, les pauvres. Ah, OK. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. J'espère juste que le gars, c'est pas, vu qu'il n'avait plus la fille, il s'est pas mis à violer les chiens. Ah! Ouais. L'arroseur arrosé. C'est ça. ce qu'on appelle, et là, vous me demanderez, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? J'en ai aucune idée, mais on nomme un Fredgasm. C'est un terme utilisé lorsque quelqu'un pleure, OK, éternue, a le hockey... Rote, pète, baille, tousse, vomit, fait pipi et fait caca et vient en même temps. C'est un Fredgasm. Fredgasm. C'est impossible. Wow! Mais on a trouvé un nom pour ça. Ben, c'est peut-être arrivé une fois. Peut-être. Le gars, il est mort. T'as failli, t'avais un petit reflux, hein? Oui, depuis tantôt, je sais pas pourquoi, j'ai des... T'avais un dixième de Fredgasm? J'étais presque là. C'est un hommage à Fred Caillou? Ouais. Fredgasm. Je sais pas. Arthur! parlant de flatulence, tiens, un senteur de pets professionnel, c'est un vrai job qu'on peut avoir en Chine. Ça peut te faire jusqu'à 50 000 $ par année. OK. Pas sûr. Hein? Puis ça sert à quoi exactement? Savoir ce que t'as mangé? Moi, peut-être. Peut-être différentes sortes d'aliments qui vont mener à différentes odeurs de pets. Je sais pas. Hmm. C'est étrange. Oui, étrange. Étrange. Jackie Chan, on nous dit, et là c'est encore selon Internet, là, j'aimerais avoir la vidéo de ça, mais Jackie Chan a déjà pris un œuf dans sa main à l'état de son poing, OK? Il a brisé 12 blocs de ciment avec cette même main-là, sans endommager l'œuf. Hein? Ben, c'est un œuf cuit dur. Ah, peut-être. C'est un œuf fait en or. En or, c'est ça, quelque chose d'incassable. C'est quoi qui est incassable? C'est un diamant? Ouais, je pense. Ben, c'est cassable parce que tu peux faire des diamants en bijoux, là, mais tu sais, c'est comme super solide. Là. Ouais. Genre, ça pourrait peut-être péter du ciment. Ou péter de la vitre. Ouais, genre de la vitre. Mm-hmm. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Félicitations à Jackie Chan. Oui. Il se mérite un CD. Comment? Il se mérite un CD. Oui! Oh, oh, oh. Il perd des billets pour un de ses films. Oui. quand San Francisco a visité l'équipe des Seahawks en septembre passé, la police de Seattle, undercover, a porté des vêtements des 49ers pour surveiller la mauvaise conduite des fans. Aha. Donc, on surveillait, c'est comme un peu si les... c'est un exemple d'équipe de sport qui s'affronte au Québec, ben. Toronto-Montréal. Toronto-Montréal, voilà, tu vois. Mm. On s'habille, on se déguise en fan de... Toronto. De Toronto. À Montréal. Pour voir si on se fait péter ailleurs. C'est ça. Quelque chose de genre. Le poids total de toutes les termites du monde. Tu penses que c'est ils peuvent faire ça? C'est provoqué. Tu sais. Moi, ça peut provoquer. Je sais pas t'habiller à Toronto. En même temps, peut-être que tu veux pas attirer la violence. Peut-être que tu veux juste voir si les gens vont virer les chars à l'envers et peut-être les arrêter si c'est le cas. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ah, le gars de Toronto, il y a un gun! C'est un policier, tu sais. termites? Oui, excuse-moi. Termites? Le poids total de toutes les termites du monde est plus que le poids de la population humaine du monde. Dégueulasse, hein? Les petites termites. Ben justement, les termites peuvent causer jusqu'à 5 milliards de dollars en dommages et intérêts par année. OK. Dans le bois? Partout. Parfait. Les maisons, j'imagine, les charpentes. Comme qu'ils disent. Ils disent que c'est ça, des charpentes. Ouais, c'est ça. Les termites, d'ailleurs, ont des ailes qu'ils perdent une fois qu'ils ont trouvé une bonne place pour se faire un nid. Ils perdent leurs ailes. Ah, oh, c'est comme si on perdait nos jambes dans le studio parce qu'on est bien. On est tellement bien. On peut plus bouger d'ici. Ah, oh, bel exemple. Je pense que j'ai d'autres faits sur les termites. Oui, quand les soldats termites, OK, c'est une sorte de termite, quand ils détectent une menace, ils vont taper des signaux d'avertissement pour avertir la colonie. Hey, il y a une menace qui s'en vient. Intéressant. D'ailleurs, elle vivait il y a 130 millions d'années, ces termites-là, et elle descend d'un ancêtre qui ressemble à une coquerelle. OK. Ça, je savais pas ça. Eh ben, c'est assez pour les termites. Bon. C'était récemment, on parle du 18 janvier dernier, donc samedi. Pas mal ça, samedi. C'est la journée nationale du synonyme. OK. C'est ça, samedi? Ou c'est samedi passé, non? Ah, le 18. OK. Ouais. Pour prendre l'exemple de synonyme. OK. Synonyme... non, ça peut être dur. Ouais, c'est ça. Micro. Micro, un synonyme de micro? Colin. appareil sonore phallique. Oui. Ah. Buccal. Bon, t'as volé mon gag. Hein, pour une fois que j'ai un punch. Ah. C'est un échange de service, man. Ah, bon, je te chargerai un aller. OK, un aller. Un aller. Un aller. Je cherche mes mots aujourd'hui, okay. Là. Pourtant, je suis vraiment comme en forme. J'ai bien dormi. Je me suis couché à 10 heures. Synonyme de bien dormir. Bien dormir. Réparateur. Oui. OK. C'est bon. Dormir comme une bûche, est-ce que ça serait accepté? Oui. Ping! C'est dans les 10 choix les plus. Et la réponse numéro 1, petite flaque dans le milieu du lit. C'est quand tu dors très, très bien. Très, très dur. Très, très dur. Oui, dur. Ah oh, oui, dur. Bravo. Merci. J'avais comme un punch, puis tu l'as encore amélioré. Valeur plus value. J'ai double punché. Double punch. Oui. Oui, double pot punch, là, un peu comme. C'est le contraire exact de. C'est le contraire exactement, wow. Je trouve. C'est, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon. Ah, oh, c'est ça, ma nouvelle... Est-ce que c'est ça, ma nouvelle... Ta nouvelle... Un petit quelque chose? Un petit quelque chose de... Ah. Eddie Guidel. Connais-tu Eddie Guidel? Non. C'est l'athlète des ligues majeures de baseball le plus petit de l'histoire. Ah. Il mesurait 3 pieds 7. Ah, pauvre petit. C'est ça? Non. Oui, ben, pauvre petit... C'est un peu chiant. Est-ce que je peux te faire une parenthèse? Très parenthèse. Oui. En fin de semaine, je suis allé voir un film au cinéma de Wolf of Wall Street. Oui, avec Leonardo. Excellent film qui dure 3 heures. Okay. J'ai l'impression que ça a duré 20 minutes, pardon. Et puis là-dedans, c'est très extravagant. Tu sais, dans le fond, il fait n'importe quoi avec son argent. Puis il travaille pour une compagnie de courtage en bourse. Et puis, genre, ben, c'est vraiment une compagnie extravagante. Ils font plein de concours par rapport. Puis, un moment donné, ils font un concours du lancer du nain. C'est celui qui le met le plus au milieu de la cible. Il gagne, genre, je pense, 25 000 $. Aïe, aïe. Hein. C'est au sein de la compagnie. On pourrait faire ça, c'est fou. Ben oui, c'est sûr. Puis, ils ont un avocat juste pour ça, pour savoir si c'est légal de lancer le nain. Wow! C'est en quelle année que ça se passe, ça? Ah, ben, c'est fictif, là. Mais, okay. Mais c'est dans le présent. Oui, mettons que ça serait dans le présent. C'est comme les combats de coq, c'est comme mal vu et complètement sûrement illégal, mais au moins... Très illégal, mais ça se passe. Ça se cache. Ça se passe pareil. Eh ben, Eddie Guidel, G-A-E-D-E-L, si vous voulez en savoir plus. Ouais, c'était une belle parenthèse. Je voulais vraiment plugger le fait que je suis allé voir le film. Non, c'était bien. Ça m'a fait même un contenu puis une raison d'être dite. Ouais, peut-être un peu. Ouais. Les premiers Jeux olympiques couverts à la télévision américaine, c'était les Jeux de 1960, les Jeux d'été à Rome. Ça a été couvert par CBS. Les premiers Jeux olympiques couverts à la télé. Mmh. Jusqu'en 1994, les Olympiques avaient lieu à chaque 4 ans. Tu savais ça? À chaque 4 ans, les Olympiques jusqu'en 1994. Et depuis ce temps-là, les Olympiques d'hiver et d'été sont en alternance à chaque 2 ans. Oui. Et on est rendu à l'hiver, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui n'auraient pas entendu parler de quelque chose. Ceux qui n'ont pas aucun média. Non, c'est ça. Autour d'eux, bravo. on vous encourage, hein? Les ondes hertziennes et tout ça, ça va vous donner le cancer. Ouais, c'est pas parce que vous l'écoutez pas qu'il y en a pas. Exactement, c'est ça. Ce qu'on appelle un devil worm, donc ça c'est un ver, mais diabolique, hein, a été découvert à des kilomètres en dessous de la Terre. C'est l'animal qui vit le plus profondément dans la Terre qui a jamais été trouvé, donc c'est le devil worm. Mais est-ce que c'est sûr qu'il existe? Oui, c'est ce qui a été découvert. OK. Devil Worm, D-E-V-I-L. Mais on l'a jamais vu. Worm. Ça le dit pas, par exemple. J'imagine qu'il a fallu qu'il creuse pour le trouver. C'est aussi connu sous le nom, évidemment, très catchy, de Halicephalobus mephisto. Une espèce nématode de la famille des Rabidididididae, découverte par le microbiologiste américain Tullis Ornstadt à l'Université de Princeton et confirmé par Gaëtan Borgoni de l'Université de Gand en Belgique en 2011. Eh bien... Devil Worm! Fantastique. En Rome antique, les gens blanchissaient leurs dents avec de l'urine. Ah. L'urine portugaise était considérée comme la meilleure. Mais c'est peut-être à cause de ce qu'ils mangent. Peut-être qu'ils mangeaient quelque chose qui faisait en sorte que leur urine avait beaucoup de petites vaches dedans. Qu'est-ce que tu sais, je me suis trouvé vraiment plus drôle que j'aurais dû. Là, t'as demandé ce qu'on mangeait de si. Genre le fun au Portugal, mais. La bicarbonate de soude. C'est pas ça qui est dans les trucs blanchissants? Oui, oui, oui, c'est pour ça que je disais ça. Le nouveau produit, les Crest White Urine. Oui, White Urine. C'est comme le band, là, les White Stripes. Là. Oui, pour mettre sur les dents. C'est ça, exact. Le groupe de musique. Oui. Et pour les combats sur les dents, moi, ça veut pas de ça. C'était bon. Les États-Unis ont gagné plus de médailles, 2189, aux Jeux d'été que n'importe quel autre pays dans leur histoire. 2189. Félicitations. Ben oui. J'avais d'autres affaires sur les... Oui, Jeux olympiques. En Norvège. La Norvège, oui. C'est elle qui a gagné le plus de médailles, 263 aux Jeux olympiques d'hiver. C'est beaucoup plus bas, 263 que l'autre. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en France, à Chamonix, en 1924. La Grèce a gagné le plus de médailles, 47, aux Jeux olympiques d'été de 1896. C'était leur pays. C'était eux qui accueillaient les Jeux olympiques à ce moment-là. Je regarde vraiment s'il reste des affaires d'Olympique qui sont pas dans l'ordre. Ah non, je pense que non. Bref, certains centres d'achat chinois ont ce qu'on appelle un Laogong Jikun Chu. C'est une place où on met les maris. Ah oui, j'ai vu ça, ça devient en mode ça. Tu peux revenir les chercher à la fin. T'sais. Oui. C'est comme une garderie pour maris. Il y a ça dans un Ikea. Arrête donc. Je te jure. Une garde-marie? Oui. Mais tu sais, c'est une place où t'as plein d'affaires de gars. Là. T'as des Xbox, des PlayStation. Pendant que madame va... dépenser l'argent de monsieur. C'est vraiment tout stéréotypé, là. Tellement. Mais ça pogne. Basé dans la réalité. Ah oui, ça ferait un excellent sketch. On va dire ça à chaque fois que ça pourrait être potentiellement un sketch. Oui. 7h57. Les gens qui ont un désordre génétique rare qui s'appelle le Immigration Delay Disease ou l'adermatoglyphie n'ont pas d'empreinte digitale. Mm-hmm. Au 19e siècle, les gens prenaient leur bain dans de l'eau froide parce que l'eau tiède était considérée comme trop excitante pour le corps. Ah! moi puis de l'eau tiède. Ouais. Pas tellement. Quand il pleuvait puis c'était une pluie chaude, tout le monde était bien énervé dans la rue. D'où le film, là... Raining Man. It's Raining Man, exactement. C'est ça la chanson, là? Oui. Ouais. Avec mais le chant qui danse sur un poteau. Oui. Mais le film, t'allais dire, c'était ça? Non, c'était le film, là... I'm Singing in the Rain. Ah! Oh. And I have a huge cock in the air. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est la version 3X. Ben, c'est ça, c'est la version que je dédie aux 2% de gens à Trois-Rivières qui vont comprendre parce qu'il est en anglais. Oh. Lorsque Bob Beamon, on a dit qu'en anglais ça comptait pas, on a pas censuré en anglais. C'est vrai. Lorsque Bob Beamon a brisé le record du saut en longueur en 1968 aux Olympiques, il a sauté au-delà de la capacité de mesure de l'équipement qu'ils utilisaient pour briser, pour compter les records. Fait qu'ils ont mis genre la mesure 16 et plus. C'est ça, 16 et plus. les chances que le joueur de la NFL souffre d'une blessure majeure pendant sa carrière sont de 7 sur 10. Ça, c'est presque 70% des chances que le joueur de la NFL se blesse. Ah, ben oui. De façon majeure. Majeure. Pas au majeur. Non. Oh, je me suis cassé l'ongle. Ah, non. Ah, va avec les 7 autres. Voilà. Les 6 autres. Et Colin, t'as failli pas t'en reprendre. Oui, misère. T'as failli avoir l'air fou, là. Mais en fait, je pensais que ça passait sous le bas. Dans le bar. Mais voir qu'avec moi, ça allait passer dans le bar. Ouais. Hey. Le mot du jour, devine ce que veut dire Sitzpinkler. Sitzpinkler, c'est en allemand. Oui, mais ça, c'est exactement... c'est là qu'a commencé le rigolfeur. c'est là que ça commence les Sitzpinkler. Les sprinklers, oui. C'est très bon. Merci. Sitzpinkler, c'est un... Parce qu'il y en a 6. Oui. 6, sprinkler. C'est ça. Non, je te laisserai pas finir. Tu me laisseras pas finir, hein? J'ai raison, le mot du jour, c'est moi qui l'ai. On va peut-être en abuser. Sitzpinkler, c'est un faible. C'est littéralement un homme qui s'assoit pour uriner, mais en allemand, on utilise ça pour dire « T'es donc bien faible, t'es donc bien Sitzpinkler. » Ça a l'air que c'est bon pour la prostate. Ça se peut... Si je voulais vraiment en abuser, je le mettrais à chaque affaire que tu dis, mais je vais m'en empêcher. 60% des joueurs de la NFL souffrent d'au moins une concussion. Ça, c'est l'affaire à la tête là, quand tu te pètes la tête. Elle s'appelait concussion. Oh, wow. Wow. Wow. J'en reviens plus. Là. Et là, je suis sur un blitz, Mathieu. Là. Vraiment blitz. Oh, ouais, on dirait une affaire à la crème glacée chez Derek Queen. Ça a l'air d'un vrai blitz. Tu peux me revirer de bord pour voir si je tiens encore. C'est une commotion cérébrale. Si vous la faire en français, elle s'appelait commotion. Voilà. 60% des joueurs de la NFL. Oh, l'acteur Michael Caine. Oui. Yes, we Caine, comme on dit. Yes, we Caine. Michael Caine est tombé en amour avec une femme qu'il a vue dans une publicité de café Maxwell House. OK. Et il est devenu sa femme. Oh. C'est encore sa femme aujourd'hui. à Maxwell House. Si au moins il y avait du goût dans son café. Maxwell House plus McCain. McCain. C'est très drôle. Merci. Une histoire de punch. Ça va m'en prendre aussi pour quand j'ai un punch. Oui, histoire avec un punch. Oui. Mais ouais, crème, une grosse patate douce, comme on dit. Wow! On l'appelle grosse patate douce. En France, oui, en 2012, les abeilles ont commencé à produire du miel multicolore. On a blâmé ça sur la contamination de... Contamination? Oui. Ça a été contaminé par une usine de M&M. Ah! Donc, ils commençaient à faire du miel de toutes les couleurs. Wow! Je sais pas s'ils gardaient le rouge pour la fin. Oui, je sais pas. Ou c'est quand ils meurent, fait qu'ils giclent le sang à la fin. Ah! Oh, mais en même temps, s'il était comestible, ça aurait pu faire toute qu'une marque de commerce. Oui! Tu sais, c'est le sucré salé, là. Mais ça serait comme sucré double sucred. Double sucred. Double sucred. Et mari et femme, ah, ça c'est cute. Pour finir sur une belle note. Ah! Oh. Mari et femme. Je pense que j'ai parti la troisième vitesse, là. Je pense que vraiment prêt, au max, là. Oui. Tu me bats à plate, couture. Mari et femme de Californie qui sont nés le même jour. Ils ont été mariés pendant 75 ans. Ils sont morts à un jour de distance à l'âge de 94 ans. C'est cute, hein. Oh! Ouais. On pourrait faire un film kitschy avec ça. Hop! Là-haut. Là-haut. Ça, non, c'est peut-être pas ça. Non. Là-haut 2. Basé sur un fait vécu. Mais tu sais que j'étais convaincu qu'il y en avait deux. Ouais? Oui. C'est vrai que l'autre, c'est up, up, down, down, left, right, start, select. Oui, c'est ça. Peut-être ça te fait un cheat. C'est Street Fighter ou je sais pas quoi. Non, c'est Contra. Ah, vas-y. Mais j'étais vraiment convaincu qu'il y en avait deux tellement que. Marie-Laurence Audet qui vient faire des chroniques ici. Je lui ai dit à un moment donné, ah, ça serait vraiment le fun qu'on se fasse un marathon de deux films. Comme on écoute les deux. Puis, ben, t'es convaincu, elle aussi, qu'il y en avait deux, parce qu'elle se souvenait plus qu'il y avait un oiseau. Tu l'as-tu vu, là-haut? Non. Il y a un oiseau qui s'appelle Kevin. Hein? Puis c'est vraiment comme le personnage central du film. Puis elle s'en souvenait plus. Puis je disais, ben oui, dans le 2, il y a l'oiseau. Puis c'était... Vas-y. Je suis prêt. Histoire de fin. Oh! Ouais. J'étais sûr qu'il y avait deux up. Il n'y a pas de deux up. Mais parle au Baba gauche-droite, Star Select. As-tu vu sur le local de l'AEDC, il y a une boîte de Super Nintendo avec le Super Gun, puis Mario RPG. Je te jure. Mais je trouve ça très cool, les portes qui sont décorées. Là. Maudit que je trouve ça le fun. C'est tellement facile à voler. Puis je sais que quelqu'un va la voler éventuellement, fait que j'ai envie de la voler moi-même pour l'avoir en premier, mais je ne suis pas un voleur, fait que je le ferai pas. Mais Caroline, qui m'intéresse la boîte. Juste la boîte? Juste la boîte. Ah ouais? Du Super Nintendo, pas de Mario RPG. Ben non. J'ai jamais réussi à faire le tour de Mario RPG, juste trop dur. C'est, ah oui? J'aime pas le jeu de rôle. Il est difficile. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Histoire pas fiche. C'est très drôle. Ouais. Oui. On est dit pour la musique, je pense. Qu'est-ce qu'on écouterait? Je sais pas. On dirait que les deux, on est dans notre lit, mais ensemble. Hein? Oui, puis là, je suis comme, oh Mathieu, qu'est-ce qui te tente aujourd'hui? Moi, je sais pas. Je me la tente. Ouais. Ah non, mais je te dis, moi, au lit, hein, en tout cas, une chance que t'es pas là, hein, parce que j'ai des vis étranges. Ariel. Oui, vis étranges. C'était très bon. De l'autre des saisons, le père. Retour Sébastien Dulude des Va-Voyeurs, j'y suis. Oui. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Hey, salut Jean-Philippe Charbonneau. Hey, salut Mathieu. Mathieu Roy? C'est ce que je viens de voir. Très! Mon Facebook est ouvert, puis là, tout à coup, j'ai vu Mathieu Roy. Il y a trop de Mathieu. Je manque de Winem pour mettre mon histoire de punch à chaque fois, par exemple. Mais je vais te limiter. Histoire pas de punch. Histoire punch. Oui, bon, salut Mathieu Roy. Oui, salut... Sa Majesté. Jean-Guy. Merci. Hey, parle de gens dont on se rappelle presque plus parce qu'il nous a quittés. Mathieu Roy aussi nous a quittés. Donc, oui. Ça, c'est un autre sujet. On le croise tout le temps, tous les jours. Mais Sébastien Dulude nous a quittés parce qu'il n'est plus aux ondes campus. Il a décidé de terminer ça et aller voir ailleurs. Peut-être que c'est une pause. Avec un peu de chance. Peut-être. Ben, c'est l'été dans le temps quand il était parti puis il était revenu à un moment donné. Mais bref, il nous reste encore trois chroniques de sa part. On y va avec la première de ces trois. Il va en avoir deux aujourd'hui. Donc, voici Va voir ailleurs, j'y suis. Sébastien Dulude est là pour sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Et aujourd'hui, Sébastien, bonjour premièrement. Salut Mathieu. Ah, bon, ça va bien. Ça va bien toi. Oui. Aujourd'hui, tu nous listes trois raisons, mais trois ultimes raisons de rester trifluvien. Trois minces et dernières raisons de rester trifluvien. Tu voulais partir sinon? Écoute, je me le demande des fois. Ah. Je me le demande. Aide-nous à rester ici. Ça fait 11 ans que je suis en exil trifluvien. T'es de où? Je suis pas né ici. Non. Ah, OK. Ah, ça reste vague. Parce que sinon, ça va être une bonne raison de s'en aller si tu dis d'où tu viens. C'est ça, c'était meilleur là-bas. Ouais, hein? Okay. Non, moi, non, mais juste, moi. Mais je suis en exil. Je suis venu étudier. Bon, je fais des choses. Ben ouais. Mais des fois, c'est moins. Garde, ça fait 11 ans. Les perspectives d'emploi à Trois-Rivières dans mon domaine d'études, là, qui est la littérature, ah, oui, okay. sont rachitiques. Oui. Juif rachitique. J'ai sorti ça l'autre fois, je me trouvais bien drôle. Écoute. Regarde, le torréfacteur est fermé. Ah oui. Tout le monde capote. Le maire de la ville, il passe à Infoman. Arrête donc, toi. Puis il se fait réélire. Je veux dire, c'est pas supposé, ça, là. Et il se fait réélire haut la main. Oui. Moi, là, c'est certainement pas un centre d'achat en dessous du pont La Violette qui va me garder ici, là, ces promesses-là, je m'en fous un peu. Ou la perspective d'entendre Grégory Charles de mon balcon dans Sainte-Cécile, là, sur Trois-Rivières, sur Saint-Laurent. Mais il est tellement polluant. C'est pas ce qui va me retenir de quitter cette ville. OK. Non, il est méchant. Il était pas fin. Oui, il est contre Jean-Michel Dufault. Moi, lui. Moi, bah, ça, il méritait. Hein? Ouais. J'embarquerai pas dans le petit jeu de Grégory. N'est-ce pas? Écoute, j'ai écrit ma chronique, là. C'était un lundi matin, il faisait fret, c'était en novembre. C'était le lendemain des élections municipales. C'est sûr que mon moral n'était pas... Zéro. T'était pas au top. Ouais. On s'est tous levés dans le noir ce matin-là, heure normale de l'Est, parce qu'on venait d'avancer l'heure. Pis, c'est comme ça. De reculer l'heure. Ouais, c'est ça, on reculait l'heure et politiquement, on reculait aussi. C'était terrible, c'était terrible. Et là, t'écoutes la radio, puis on nous annonce qu'à Trois-Rivières, il va faire noir encore 4 ans. Oh. Alors, flasque face à ce complet désespoir, un réflexe vital s'impose, dans mon cas, faire une liste. Un réflexe vital. Oui. Tire une page, on fait une liste, une bonne vieille liste, rédigée à la main, qu'on garde tout près, sur le cœur, pour se réconforter le toc. Cool. Se garder l'âme au chaud, pour s'illuminer de visions béates qu'aucun veau d'or ne saurait égaler. C'est pas bien. Voici donc, reproduite pour vous, ma liste de, je l'écris en haut, en italique, raisons de ne pas déménager de Trois-Rivières. Alors, la liste est brève, j'en conviens, mais je m'y agrippe comme un maire de région à son crucifix. Alors, 1. Claude et Françoise. Claude et Françoise. Claude et Françoise. Sans conteste, Country Rive-Sud, diffusé chaque dimanche au 90,5 FM à Olinac. Désolé, on est assez fou. Oui. Mais compétiteur extrême. En petite radio marginale. En fait, c'est fou. Elle est loin d'être marginale comparée à 90,5 Olinac. Mais je dois le dire, là, cette émission-là, diffusée chaque dimanche, donc entre 16h et le bingo, est ma principale région de ne pas quitter. La principale raison de ne pas quitter la Number région. Number one. Number one. Wow. Country Rive-Sud. C'est une émission qui est exclusivement consacrée au country québécois. Mal. Et c'est animé par le stoïque Claude Lefebvre, assisté de sa tendre moitié Françoise, ou Françoise pour les intimes. Françoise. C'est-à-dire tout le monde. Ben oui. Je pourrais évidemment écouter la radio partout. Tu sais, je déménageais, je pourrais continuer à écouter sur Internet. Il y a Internet pour les gens qui écoutent du country, ça existe? J'ai J'ai vu Claude sur YouTube. mais écoute, je pourrais l'écouter donc partout où je déménageais, mais ça me priverait d'un plaisir hallucinant qui est celui d'entendre les appels des auditeurs. C'est vraiment ça, la musique, mais les animateurs, mais le public qui appelle, ça, c'est du bonbon. Et je sais qu'ils sont mes concitoyens, mes voisins. Ouais. Ça, j'aime ça. Ça peut être la personne que je croise au dépanneur ou au bureau de poste. Tu sauras jamais. J'adore ça. Un exemple type d'appel à l'émission. Cool. Claude, c'est KB. Ah, puis il y a quand même un espèce. C'est KBN, bonjour. Limite. À qui on a l'honneur de parler? Lucienne, elle va répondre. À Lucienne. Bon. Hé, hey, Lucienne, bonjour, Lucienne. Elle répond pas. Là, Claude, toujours dans de l'entre-gens. C'est la première fois que vous nous appelez? Lucienne a dit, non, j'ai appelé la semaine passée. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cette semaine? Avez-vous une demande spéciale pour nos auditeurs? Et Lucienne répond, ça m'a pris 3 fois pour avoir la ligne. Ils parlent toujours. Ben voyons donc. Qui n'ont pas eu la ligne tout de suite. C'est le préambule. Tellement d'auditeurs, ben oui, c'est ça. Et là, Claude va dire, ah, ben pourtant, il nous reste des lignes de libre, hein, comme qu'on dit. comme qu'on dit, comme le célèbre proverbe disait, il nous reste plein de lignes. Il nous reste des lignes de libre. Lucienne, ben je suis tombé sur le répondeur, puis je voudrais entendre votre chanson « Entrer dans ma demeure ». Donc, elle va direct quand même au point. Ouais, ouais. « Entrer dans ma demeure », c'est une toune de Claude lui-même. L'animateur. Wow. Ah, il est content, il dit, ah, c'est gentil ça. Mais on l'a déjà fait jouer 2 fois depuis le début de l'émission, par exemple. La Lucienne dit rien. Avec le code. Bon, ben, on va regarder pour vous faire tourner ça. Bon, puis pour qui c'est que vous aimeriez ça qu'on fasse tourner ça? Puis là, Lucienne, elle va répondre dans sa liste de noms de gens qu'elle voudrait saluer et leur dédier la toune. Donc, pour mon mari, puis mes 3 fils, ma fille Angèle, puis mon gendre, puis ma bru qui est enceinte, puis pour tout le monde qui l'aime. Pas la bru qui est enceinte. C'est que souvent, les auditeurs vont dédier la toune à tout le monde qui aime la toune. Oui, oui. C'est fou, ça. OK. Alors, ben, ça en fait du beau monde, ça, à saluer, hein, comme qu'on dit. Ben, alors, on va vous... Ah, puis bonjour à Françoise. Puis là, Françoise va répondre... Bonjour, là, Lucienne. Ah! Parce qu'elle a pas le micro, ah, Françoise. Oui. C'était écœurant. Et là, Claude, il reprend. Bon, ben, alors, on vous remercie beaucoup, Lucienne, et on vous souhaite de passer. Mais on va vous rappeler tout à l'heure pour le bingo. Parce que c'est Claude qui anime le bingo. Ah, c'était aussi. Ça, c'était fait que les gens, comme des fois, appellent pour le bingo pendant l'émission Country. Ah, wow. C'était écœurant. Ça donne la bonne. C'est écœurant. Number one sur la liste. Donc, Country Rive-Sud, franchement, ça donne du sens à ma vie. Plus aucun souci ne m'habite quand Claude et Françoise discutent avec les auditeurs, leur font plaisir avec la belle musique. Et moi, je dois l'avouer, je me sens bien quand j'entends Entrer dans ma demeure. C'est confortable, hein? Une demeure confortable. Écoute, j'y suis chez moi, avec les miens et Claude, notre papa à tous. Écoutez les paroles. Chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants. Hey, c'est excellent. Comme on dit. Ça, c'était numéro 1 sur la liste. Numéro 2, le tofu mou d'Hermenchita. Miam. 6 rue Saint-Philippe, l'épicerie asiatique Feng Shui, tenue par Madame Hermenchita Unso, est un véritable oasis dans le désert des fournitures culinaires trifluviennes. Ça, c'est la bâtisse mauve là, au centre-ville en avant de à côté de l'hôtel. C'est comme tout mauve devant. Ouais. Souvent, la vitrine est pétée aussi. Ouais. C'est con. Mais c'est ça, j'arrive avec une bombe, hein? Mais ça, franchement, numéro 2 sur la liste. C'est une petite épicerie où tu retrouves une quantité hallucinante de produits fins asiatiques à des prix absurdes, là, vraiment pas cher. Et sans parler d'un extraordinaire tofu mou qui est vendu dans un petit sac avec de l'eau, dedans, comme si on achetait un poisson rouge. C'est fou, là. C'est pas un tofu d'épicerie. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Mais il y a plus encore, et c'est là où le Feng Shui possède sa touche unique, Hermenchita. Hermenchita, avec sa bienveillance maternelle, s'est rassuré les plus craintifs avec leur pad thai, quand ils sont pas trop à l'aise. Et avec son petit air là, qui affirme là, qu'elle en a vu d'autres, là, ben, on dirait qu'elle met au défi ceux qui se pensent smart. Là, genre, moi, j'arrive avec ma petite recette, puis elle te regarde. Ah ouais. Ouais. Elle est hallucinante. On ne saurait se passer d'une si précieuse conseillère en cuisine orientale dans la vie. Point final. Elle donne des cours, je pense, dans ce Elle donne des cours, c'est pour ça que c'est pas cher, parce qu'en fait, c'est ça, elle donne des cours, ça, c'est un peu le magasin qui approvisionne tout ça. Puis, écoute, c'est ça, il faut y aller l'après-midi, c'est pas souvent ouvert, pas la fin de semaine, non, mais Hermenchita. OK. Depuis que je connais le petit hachis d'épices japonais d'Hermenchita, je désespère moins qu'il n'y ait pas à Trois-Rivières de restaurant japonais. ou de restaurant indien. Ou bien portugais, polonais, jamaïcain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors voilà pour le numéro 2. Amen, Cheetah. Amen, Cheetah. C'est Amen, Cheetah. C'est quand même Amen. Oui. Laisse faire. Amen. Ramen. Ramen, Cheetah. Ramen, ta Cheetah. C'est aparté. Alors, ramen qui veut dire nouilles en japonais. Ah, ça, je sais pas ça. Nouilles. Les nouilles, nouilles de marque nouilles. Les marques nouilles. C'est ça. Trois, un dernier détail sur ma liste. Un petit peu emo, mon fils. Et là, vous avez vu, il y avait Papa Claude. Oui. Maman Armène Cheetah. C'est vrai. Et là, fils. Ah, oh, notre père et du fils et tout ça. C'était tout travaillé, cette liste-là, psychanalytiquement. C'est bien. Mais il est moins bon que du tofu mou. C'est autre chose. OK, c'est autre, autre chose. Okay. Mais c'est parce que mon gars est arrivé à Trois-Rivières il y avait trois mois. Donc lui, sa ville, il l'aime. Trois-Rivières, il l'aime. Ses amis sont là, son équipe de soccer, tout le monde. Il voit pas les défauts de la ville à 11 ans. Là. Lui, il aime voir les Ferrari sur des forges pendant le Grand Prix. Ça m'énerve. Cool, lui, Ferrari, il capote. Là. Il trouve cool les manèges à l'expo. Il veut y aller, là, beau ce carnaval. Là. C'est rien pour tout, ça. Il est drôle quand il imite Aérobin pour me faire rire. Ça, j'aime bien ça. Moi, j'haïs Aérobin. Je peux leur dire, si tu achètes la Pepsi, là. Non, mais maintenant, oui, mais mon fils l'imite, bref, c'est tout ce que j'ai dit. Et ça me fait rire. Il aime aussi les petits sandwichs Dane Bacon du marché Royal dans Saint-Philippe. Ça, quand tu passes à la rue Royale, tu arrives au petit marché Royal, tu vas au frigidaire, tu prends un petit sandwich Dane Bacon. Je pense qu'il est 315. La caissière t'appelle mon beau tout le temps. Ça, j'avoue, c'est un petit plaisir. Okay, ça pourrait être sa liste. Je note ça. Alors, les petites choses de la vie, quoi. Qui est belle, la vie, à cette échelle des yeux d'enfant. Oui. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et, mais il y a mes amis aussi. Donc, c'est comme une espèce de 3B. Ils n'ont pas leur propre numéro quand même. Non, c'est ça. Mais c'est un peu comme ça va un peu avec. T'sais. Mes amis, les autres, ils vivent ici pour toutes sortes de raisons. Les amis, on va souper chez eux souvent. On va déjeuner quand on reste à coucher là. On part des projets. On organise des fêtes, des événements, des games de baseball. Les amis qu'on aide à déménager. Qu'on s'ennuie d'eux quand ils partent longtemps en voyage. Qu'on les écoute quand ils se séparent, mettons, de leur blonde. On les félicite quand ils scorent. Les amis. Les amis des amis. Les collègues. Les connaissances. Les voisins de quartier. Les gens, là. Ça, quoi? Les gens. Les gens. Numéro 3, ça, Alice. Mais je pense que ça fait le tour. C'est une bonne liste, quand même. Des bonnes raisons, non? Ah, je suis toujours ici. C'est ça. Et tu nous feras un jour la liste des raisons de partir, tu sais, puis là, on oh verra. My. Oh my! Il va falloir 3-4 numéros pour ça. Ouais. Donc, Sébastien Dulude, merci beaucoup. Va voir ailleurs, j'y suis toutes les deux semaines et dans le Zone Campus sur zonecampus.ca. Facebook. Facebook, moi, ça dans le. Dans Fast. Hein. C'est ça. Like. Like. Like, moi. Please. Mm. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain segment Va voir ailleurs, j'y ouais, suis. Ouais, je m'y jette ça. À la prochaine. C'était Sébastien Dulude. D'ailleurs, on l'a dit, mais La vie est laide sera sa prochaine chronique. On va les étaler un petit peu plus que je pensais. Là. On en garde un autre pour une autre fois. Ben, pourquoi pas? C'est ça. Sébastien Dulude, Va voir ailleurs, j'y suis. C'est les trois dernières chroniques. Donc, il en reste deux dorénavant. Qui sont parues dans le Zone Campus dans l'édition automne de 2013. Hein? Exact. Et les archives sont sur zonecampus.ca. Mm-hmm. Facile à retrouver, ça. Ben, c'est pas très dur. Puis c'est dans la petite catégorie, ça s'appelle Archive. Ben oui, c'est tellement bien fait. Tu peux même chercher par auteur puis cliquer sur Sébastien Dulude. Ça, c'est génial. Malade, hein? Ça, Mathieu, c'est génial. Ça n'a pas l'allure. Ouais. Donc, merci Sébastien Dulude et on le retrouve encore pour un petit bout de temps jusqu'à ce qu'on lui dise adieu dans deux chroniques. Oui. Avant de continuer avec son foutu palmarès, voici The Darcy's. Ah, oh, c'est bon, ça. Muzzle Blast. J'aime bien. T'aimes la chanson, là? Oui, je pense que oui. Ben, c'est une nouvelle? Ouais, c'est la nouvelle d'il y a quelques semaines. Hein, sur leur album Warring. Je pense que c'est ça. Ah, Assemblage Rocky. On s'en reparle après. OK. OK. Bonne nuit, Mathieu. On dirait une petite comptine à la fin. Oui. Ah oui. Oh, mais non, il reste encore une bonne heure d'émission, je te dirais. Ben là, j'espère. OK. Bon retour, Roxane Dulong, ben oui. Hey. Hey, c'est quoi la première heure? On l'a vécu tout seul? La première, c'était une reprise au début, par exemple. Oui. Celle entre 6h30 et 7h30, les gens ne savent pas. Mais non, ma fille, ils savent. En tout cas, qu'à partir de 7h30. Voilà! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce lundi 20 janvier 2014. Il est 8h30. Oui, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Chabonneau. Je suis plus sûr. On est sur l'hiver, on est sur l'été. Est-ce que je porte des petits leggings d'entraînement ou des grosses soupes de skidoo? Qui sait? Noir ou blanc, grand ou petit? Ouais. Mystère de la vie. Ah. Dans quelques instants, la chronique de l'AGAQTA avec Roxane Dulong. Oui. Après ça, on va parler des années 90 un petit peu, toi et moi, parce que c'est le carnaval qui commence cette semaine. Oui, il a lieu cette semaine. Faut que j'arrête de dire qu'il commence. Oui. Mais ça commence en ce moment. Là. Je pense que c'est à 8h. Je pense pas mal à 8h, 8h30. Il a café Bailey's au 10-12. Oui, mais je pense que le début de l'activité est à 10h. D'accord. C'est aujourd'hui. On va suivre ça. On s'en reparle. Mm-hmm. Mais avant ça, Simon Kearney, tout de suite. Down. Simon Kearney. Laisse-moi pas tomber. Simon Kearney. Ça fait du bien. Oui. Kearney. Ah, j'ai écrit un M sans faire exprès. Ouais. C'est quoi ta blague de tantôt de Kearney? En fait, c'est pas un M que j'ai mis, c'est juste que le R à côté du N ressemble à un M. Wow! Ok, là, je vais devoir me forcer un peu, là. Je vais devoir me forcer. Attends un peu. Et... Ouais, merci. Belle à la peine, oui. On amène Roxane Dulon, qui, elle, est capable d'en prendre, hein? Oui. Des blagues comme ça, mm-hmm. Je suis sûr. Voici la chronique de l'AGEQTA. AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA, parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo! Merci, JP. Donc, Roxane Dulon, comme certains diraient, je le ferai pas parce que ce serait vraiment trop cliché, tu l'as sûrement déjà entendu mille fois, mais l'AGEQTA, du long en large. Ah! Ah! Non, je l'avais jamais entendu. Non? Et du long à large? Non. C'est pas pire, hein? Non. Non, okay, non. Pour ça, je l'ai pas fait non plus. T'sais. Un peu non. Comme la chanson thème, j'imagine que je vais m'habituer un jour. Pour le moment, c'est encore un peu frais dans ma tête. Ça a jamais été frais dans la mienne. Non, c'est ça. Nous, on s'habitue pas plus. Le bruit des flux. Oui. Ah. Ben. Donc, Roxane, qui est responsable des communications à l'AGE, mm-hmm. Et tu viens nous voir à chaque semaine les lundis matins pour nous dire ce qui s'en vient pour la semaine à venir et plus tard encore. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine à l'AGE? Bien, cette semaine, premièrement, vous savez quelle semaine nous sommes. Donc, cette semaine, c'est le carnaval. Donc, ça commence ce matin à 10h avec la parade « Qui m'aime me suivre » qui va partir du Michel Sarrazin. Pendant que je m'en venais tantôt, j'ai déjà vu des gens qui se préparaient, entre autres les gens de communication sociale avec leur thème « Loup-garou ». Il y avait quand même pas mal de monde, donc on espère que toutes les associations vont être présentes. C'est quand même un bon moyen de démarrer le carnaval, mm-hmm. En force. Puis il fait beau. Oui. Il pleut pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais vous... Vous, les gars, c'est quoi vos prévisions pour cette année? D'après vous, c'est qui va gagner le carnaval? Ah, ben là, j'ai... T'sais, devine qu'est-ce qu'il oui, va dire. Uh-huh. Loisirs, culture, tourisme. Ben les oui, Barbie. Ben là, c'est important. Les Barbies, c'est ça leur thème, eux autres? Oui, je pense que oui. OK. C'est vraiment cool. Tous les gars se sont fait couper le pénis. Pour faire comme des Ken. Ouais, c'est ça. T'as pogné-tu? Ah oui, ben, je la pogne pas parce qu'il n'y a pas de poigne quand t'as pas de... Ah. Hein? Oui. Est-ce qu'il arrive pas mal au sommet ou au fond du baril, loisirs, culture, tourisme d'habitude? L'année passée, on est arrivé 5e, je pense. Sûr? Trentaine, je pense. Qui est quand même pas pire. Ouais, c'est mm-hmm. Bien top 5. Quoi. Quand même. Ouais, considérant que tout le monde est dans l'organisation. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'organisation qui ne peuvent pas participer. Ok, ben je vais miser là-dessus aussi, d'abord. Ouais. Je vais miser là-dessus. Ah ouais? Ouais. Facile de même. Je connais personne dans aucun. Je sais pas dans quel bac tous mes chroniqueurs étudient. S'il y avait un consensus, je sais qu'il y a beaucoup de monde en histoire, mais je sais pas si ils sont en. Ah, ça, je sais pas. En grande participation. Mmh. Mais bon. Ben, moi, selon moi, ça va être ergothérapie. Okay. Avec leur thème Hot Wheels, le programme où les personnes ont sûrement le plus joué à Hot Wheels quand ils étaient jeunes, puisqu'on est tous des filles. Ouais, mais bon, c'est vrai. Enfin. Ouais, c'est le hasard à parler. Kiro aussi, qui ont l'air bien fin. Mmh. Kiro, c'est pas-tu ça? Je sais pas, peut-être. Ça a l'air bien fin. Bref, on va en fait, Kiro, ça a souvent été eux qui ont gagné le carnaval. L'année passée, je crois que c'était les gens en enseignement secondaire, n'est-ce ouais. Pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Je me souviens, ils ont abusé du trophée, je pense. Ouais. On devrait les voir beaucoup cette semaine avec leur thème. Je pense que c'est Twister. Twister. Les petits ronds de toutes les couleurs. C'est vraiment le fun de voir les portes. Oui, décoré de façon mm-hmm. Carnaval. En effet, passer dans le corridor des associations, dans le nouveau pavillon, l'extension du pavillon mm-hmm. À Néré Beauchemin, c'est vraiment cute. Oui, moi. En effet. C'est festif. Mm-hmm. Parfait. Donc, au carnaval ce soir, on a une joke, une bière. Donc, ce matin, je me suis fait avoir parce que moi, j'étais certaine que c'était demain. Mais non, cette année, c'est le lundi soir. Donc, on a une joke, une bière ce soir avec la soirée d'humour par la suite. Donc, ça va être ça ce soir. Puis demain, si je ne me trompe pas, attendez, on a... ton helper, c'est oui, ça, mon technicien d'écran. Oui. Donc, demain soir, ça va être le show de musique avec les trois accords qui va commencer à 9h30. Donc, ça devrait être bien intéressant, ça aussi. Puis aussi, le mix, c'est fou. Hein? Ah, tout à fait. À ne pas manquer, à 15h, oui. À Chasse-Galerie. C'est le grand quiz musical qu'on fait à chaque année depuis toujours. On était le jeudi avant, c'est rendu le mardi, apparemment. Oui, ne vous m'y prenez pas. C'est ça, y est, Mathieu, j'ai recommencé comme au début. Là. J'ai eu un pic, puis là, ça redescend. Ouais. Je suis aléatoire aujourd'hui. Mais bref, quiz musical sur les connaissances générales, pas seulement années 90. Il y a du plus récent, il y a du rock, il y a du metal, il y a du plein de choses. Donc, soyez-y mardi. Oui. On manquera pas ça. Mm-hmm. Non. Parfait. Ensuite, le mercredi soir, il y a le départ pour le rallye nocturne qui, cette année, s'appelle « Mais où se cache Carmen San Diego? » Ah! Pour faire suite à l'émission qui... Martin Dréville! Oui. Exactement. Hey, je l'avais, moi, sur PC. Le jeu sur PC. Hey, oui, moi aussi, j'ai joué à ça. C'était vraiment le fun. Mais oui. Je l'avais pas, moi. Non. J'étais jaloux, d'ailleurs. Non, bon, ben, tu vois. T'as peut-être eu d'autres choses que j'ai pas eu. Peut-être. Ah, non. Une console. J'avais une console quand j'étais petit. Ah! Voilà. Attends, je continue à descendre, technicien. Roule, roule. Ça arrive. Jour 4. Jeudi. Donc, jeudi soir, c'est la Chope d'or. Ah, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous allez aller à la Chope d'or, vous, messieurs? Oui, jamais de la vie, toi. Non. Ça se pourrait que je vienne bénévole. Ah oui? Oui, on va approcher. OK. Ouais. Cool, c'est tout. Tu vas nous en reparler? Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Retour sur la Chope d'or vendredi matin. Oui, c'est ça. Alors, Mathieu, tout s'est bien passé à la Chope... Faut que je parle comme... C'est fou, était là. Claude Poirier. Claude Poirier, merci. Et calme, bravo. Dur à suivre, des fois, ce gars-là. Arrêtez de me pager. C'est vraiment un gag que j'aime faire. OK. Parfait. Voilà. Donc, en fait, on va souhaiter une bonne chance à tous les assos pour le carnaval et on a hâte de voir lundi prochain. On va pouvoir parler des gagnants et des moments forts. C'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Toute l'info est sur le... cahier du participant. Oui, c'est ça. Si vous voulez aller voir le cahier du participant, vous allez sur le site internet de la GEQTR, à geqtr.org. Dans la liste des activités, vous avez le carnaval. Vous téléchargez le cahier du participant et vous lisez ça avec beaucoup de plaisir. Mmh. Bien sûr. Et là, le carnaval, c'est pas organisé par la GE? Non. En fait, c'est chapeauté par la GE, oui, mais c'est en fait surtout les gens en loisirs, culture, tourisme, parce que ça donne comme ça, en fait. Mais il y a une équipe de bénévoles là, qui est en charge de toute l'organisation, qui travaille là-dessus depuis un bon moment. Donc, on les applaudit. Yeah. Bravo. On leur souhaite une bonne semaine aussi. Ben oui, qui s'amusent aussi. C'est ça, sûr. Malgré le fait qu'ils dormiront sûrement pas beaucoup, mais bon. Non. Dormir, c'est pour les faibles, comme c'est on ça. Dit. Mais avec le carnaval qui a lieu cette semaine, il ne doit pas se passer grand autre chose de la GE. Ben en fait, cette semaine, c'est plus la semaine prochaine qu'on a des activités parce qu'on s'entend que cette semaine, je pense qu'il n'y a personne qui va s'ennuyer à l'université. Mm-hmm. Mais la semaine prochaine, on a en fait l'activité humoriste d'un soir dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc, ça a lieu le 29 janvier. Puis, il n'y a pas beaucoup de détails sur notre site Internet. Jean-Philippe est en train d'aller voir, mais en fait... Je veux aider, oui, bon. Ça va être une personne par association qui va devoir faire un numéro de 3 à 5 minutes. Donc, c'est ça, on va prendre les inscriptions cette semaine là, pour savoir quelle personne va participer, quelle association va être là. Puis, en fait, là, c'est ça, ça va être une bataille entre les associations pour savoir laquelle a fourni le meilleur humoriste. Donc, c'est sûr que ça va être très plaisant. Donc, le 29 janvier à la Chasse-Galerie, venez encourager votre asso. Ou si il y a personne de votre asso qui participe, venez quand même encourager et apprécier la soirée. Ou toi, fais-le. Oui, ou toi, ouais, fais-le, exactement. Ah, oui. Et tout ça pour la Coupe des assos, donc qui va continuer pour le reste de l'année scolaire, finalement. Oui. En fait, c'est ça, là, il y a la prochaine activité de la Coupe des assos. Ensuite, ça va être le concours de poésie qui va être le 19 février. Donc, on va pouvoir vous donner plus de détails quand ça va être... un peu plus... rapproché. Ouais, c'est ça, rapproché. Oui. Fantastique. Mm-hmm. Yay! C'est tout? Ben non, il y a plein d'autres choses, mais là. Ah ben attendez. Là! Sinon, en fait, pour les activités, c'est pas mal ça, mais sinon, on cherche présentement quelqu'un pour être le directeur général des élections. Donc, effectivement, nous ne sommes pas éternels. Il va falloir des gens pour prendre notre relève à la GE. Donc, si vous êtes intéressé à faire la direction générale des élections, en fait, ce qu'il faut, c'est être intègre et impartial. Mais aussi, en fait, là, c'est une personne qui va s'occuper de suivre le calendrier électoral, de faire le suivi de la politique, de s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art. Donc, si ça vous intéresse, c'est sûr, ça va être une belle expérience. Puis, il y a une bourse compensatoire, je pense, de 500 $ qui est rattachée à ça. Donc, ça peut être intéressant comme expérience de travail aussi. Mm-hmm. Tu peux dire après ça, j'étais directeur général des élections. C'est effectivement. Cool, c'est bon, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Ben oui. Ça se met bien dans un CV. Oui, c'est sûr. Parfait. Puis sinon, en fait, là, on a un concours qui se poursuit jusqu'au 7 février, qui est réaliser la page couverture de l'agenda. Donc, on cherche, un dessin ou ça peut être un dessin, une œuvre graphique, ça peut être n'importe quoi. Une photo? C'est ça, une photo, en effet. Une photo de moi? Oui, avec Instagram, genre l'effet, ouais. L'effet vieillot. Mm-hmm. Ça va être parfait, ça. Hey! Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Revieillis-moi, c'est très beau. C'est ça. Donc, en fait, vous avez jusqu'au 7 février pour m'envoyer vos propositions. Puis ensuite, en comité de l'agenda, on va regarder toutes les belles choses qu'on a reçues pour déterminer quels sont les gagnants. Puis il y a des prix vraiment intéressants. Pour la première place, il y a 300 $. Puis en fait, aussi, la possibilité d'être sur le dessus de l'agenda. Et en fait, pour la deuxième et la troisième place, je crois que c'est 125 et 75 $. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une page au début du prochain agenda qui va être réservée vraiment pour les gagnants, pour expliquer les concepts. Donc, le gagnant va être sur la couverture en tant que tel, mais les autres positions vont être à l'intérieur sur une petite une page dans le fond de la page. Oui, c'est ça. Ben, en fait, sur la page couverture, ça va être le concept qui va avoir gagné. Okay. Puis, sur la page à l'intérieur, on va voir les photos du gagnant des deuxième et troisième positions avec les... l'explication. Oui, c'est ça. Puis les dessins des deux et troisième positions vont se retrouver là aussi pour qu'on puisse voir. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, vous avez jusqu'au 7 février. C'est quand même un beau concours. On a déjà reçu des gens. Il y a déjà des gens qui nous ont envoyé des propositions. Donc, ça fonctionne bien. Hâtez-vous. Yeah! Cool. Il n'y a personne qui va rire de vous si vous faites quelque chose de mauvais. Mm-hmm. En tout cas, ce ne sera pas écrit dans l'agenda. Non. Ça, c'est sûr. Non. Vous avez, la dernière page. Vous avez rien à perdre. Voilà. Oh. OK, c'était pas mal ça pour nous à l'AGE. Parfait. Ben grosse semaine et gros mois. Oui, quand même. Pour vrai, le mois de janvier est assez chargé pour vous. On ne dort pas, non. Encore une fois, pour les faibles. AGEQTR.org pour plus d'informations. Et exactement. Le carnaval, c'est jusqu'à jeudi. Donc, tout est mentionné. Merci, Roxane Dulon. Ben, merci à vous. Bon carnaval. Bonne journée. C'était la AGEQTR du long en large. Non, c'était pas ça du tout. Du long en large. Jello. Du long en large. Hein? Le titre de ma chronique, du long en large. Du long en large. Ouais. J'avais pas pensé à celle-là. Non, pense-y plus jamais. D'accord. On t'interdit. Toujours assemblage requis. Dans quelques instants, ce sera son foutu palmarès. Mais avant ça, voici Dr. Dog, nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Love. Ah, ça c'est fou. Juste pour toi, JP. Merci, Mathieu. Dr. Dog et Love, assemblage requis. Maintenant, nous, ce qu'on aime faire dans la vie, tu sais, comme au carnaval, tu sais, au carnaval, t'as des affaires des années 90. C'est dans les affaires des années 90, t'as pas le choix d'avoir des affaires de jeux vidéo. Oui, Tetris. Tetris, oui, exactement. T'as pas le choix d'avoir Carmen Sandiego, c'est une bonne affaire des années 90. Cube Rubik. Peut-être Fais-moi peur ou. Tu sais, genre. Oui, OK. Ça fait comme ça. Tu sais, une liste de choses. Ou c'est comme la liste qu'il faut ramasser au carnaval. Oui, les affaires à aller chercher. Moi aussi, j'aime ça, cette activité-là. La course au trésor, c'est oui, oui. Ben, nous, on imite ça, mais on appelle ça son foutu palmarès. Ah. Aussi, il y avait un gars devant le studio qui était en train de se diriger vers le téléphone Bell de mur. J'étais comme, attends un peu, tu sais que ça sert plus à rien, ça? Ben ouais. Mais il est parti, finalement. Bon. Ah, un téléphone public! C'est ça. Il était peut-être juste impressionné d'avoir un. Ouais. Ça doit le faire à l'intérieur d'une chronique que je trouve ça drôle. Oui, c'est encore mieux. Donc, c'est son foutu palmarès où on se fait une liste de quelque chose. Par exemple, cette fois-ci, c'est les modes Internet des années 90 qui ont été abandonnés plus tard. Oui, j'aime ça. C'est cool. Hein? J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va y avoir. Ben, on va essayer d'en sortir des nouvelles si jamais ils sont pas dans le palmarès qui est présenté okay. par gadgetpix.com. Commençons avec la mode des Hot or Not. Tu te rappelles Hot or Not, tu avais une galerie de photos, une photo qui t'apparaissait, tu devrais dire genre oui, est-ce que c'est une belle personne ou une pas belle personne, tu sais. C'était dans les années 90, très très populaire de dire est-ce que c'est chaud, est-ce que ce n'est pas chaud. Les sites Rate My quelque chose comme Rate My Teacher qui était très à la mode à ce moment-là. Rate My Poop. Rate My Poop? Oui. Ah oui? Je te jure que ça. Ah oh, wow, ça existe encore? Je sais pas. Venons voir. Années 90. J'aimerais ça. Mais évidemment, c'était remplacé par Facebook et les autres sites de médias sociaux, là, même si c'est vraiment pas la même chose. Moi, je rajouterais peut-être les sites de rencontres à la Do You Look Good, là, où c'était vraiment juste l'apparence. Oui. Et non pas pour rencontrer quelqu'un, c'était juste pour garder des photos. T'sais. Ça existe encore, mais je cliquerai pas dessus. Non, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des effets sonores? Ensuite, évidemment, Napster. Système de partage de fichiers qui était complètement gratuit. Le service était très populaire jusqu'à ce qu'un band, un petit band local nommé Metallica ait poursuivi le service et c'est devenu finalement un service de musique payant tout à fait légitime, Napster, qui existe encore d'ailleurs, ben oui. mais sous un autre propriétaire. La messagerie instantanée. Même si moi, je qualifierais ça 90-2000, même, tu sais, un petit peu passé 2000 quelque chose. Mais bon, quand même, c'était typiquement années 90 ou surtout la fin. AOL Instant Messenger, entre autres aux États-Unis, avec sa body list. Moi, je dirais plus au Québec ICQ, peut-être même MIRC, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on en garde comme souvenir? Pas grand-chose. C'est incroyable, hein, non? Non, je me rappelle... que ICQ avait un très bon système de recherche. Tu peux y aller pas mal spécifique dans les âges et les sexes. Ah ouais, je me souviens pas de ça. Je trouvais ça cool. sinon, j'aimais quand ils ont sorti l'affaire où tu pouvais taper et voir en temps réel ce que les gens écrivaient. Ah oui, ça c'est le fun aussi. Je te rappelle, c'est vrai que c'était le fun. LiveJournal est le prochain. LiveJournal, as-tu trippé là-dessus, toi? C'était comme un genre de blogage avant son temps, si on veut. Ça existait pas mal longtemps. En 1999 que ça a commencé, LiveJournal, le précurseur du blog. C'était un genre de réseau social de connexion entre les utilisateurs. On pouvait lire, entre autres, des fanfictions. Par exemple, mettons, t'aimais deux personnages de Buffy contre les vampires qui, dans la série, ne sortaient pas ensemble, mais il y avait de la fanfiction où ils sortaient ensemble. C'est des gens qui écrivaient des... Ah ouais, OK. C'est très populaire sur les live journals, tout ça. Ensuite de ça, le Hamster Dance, bien sûr. Le Hamster Dance. Ah, ça, faudrait que je vous trouve l'extrait sonore, par exemple. Hamster Dance, très populaire dans les années 90. Encore une fois, plus à la fin, parce que là, on parle de mode Internet, là, mais je pense que l'Internet, même s'il était présent au début des années 90, c'était pas mal plus populaire à la toute fin des années 90. Donc, The Hamster Dance Song, tout de suite, on écoute ça pendant que j'en parle, tiens. Oui. chanson gossante. Ah des... oh, oui, OK. Un des premiers memes d'Internet. Oui, vraiment. Bon, on laisse ça continuer, tu sais. Ah oui. Le remix, c'est la version 2, ça. Oui, c'est la version bêta a été déclinée. Comme si ça existait, ça n'avait jamais existé. Le Bulletin Board System, le système des BBS, qui était aussi populaire, un genre de forum en ligne, très, très textuel. Les connexions modem par téléphone. Par téléphone. Bili-bili-boop. Raccroche! donc, modem 56K et autres. Oui, ben, c'était de ne pas pouvoir aller sur Internet à toute heure de la journée parce qu'il y avait des gens qui servaient du téléphone. Qui oui. Nous, c'est ça qui nous a incité. On a installé une deuxième ligne téléphonique chez mes parents dans le temps. Juste pour Internet? Ouais. Wow. Comme ça, on pouvait recevoir des appels, puis aller sur Internet. C'est fou, hein? Fou raide, hein? Ouais, puis après ça, bon, on a mis un fax là-dedans. Puis finalement, on a cancellé cette ligne-là. Ah, il s'en est passé des choses, hein? Incroyable. Il s'en est passé. America Online est toujours sur le palmarès aussi. Évidemment, AOL, on recevait tous les CD par la poste. Même au Québec, il y avait un bout de temps où ça existait. Je pense que c'était plus au début des années 2000 au Québec, mais bon, quand même, ça existait. C'était très populaire aux États-Unis. Ensuite de ça, toujours en palmarès, des choses qui ont passé de mode dans les années 90 sur Internet. Le jeu Legend of the Red Dragon. Moi, tu vois, je connais un petit peu moins ça. Moi, ça me dit rien. Moi non plus. C'est un jeu de rôle basé sur le texte. OK. C'était très populaire à ce moment-là, apparemment. Donc, tu utilisais le texte et ton imagination. Des mondes fantastiques étaient créés. OK. Ah ben. Les chats. Chatroom, tu sais, sur Caramel et autres. Ah oui, mon Dieu. Des petites salles, des pièces où tu allais chatter. Caramel. Caramel. Tout simplement. Ouais. C'est fini. Et c'est ça, c'est fini. C'est fini, hein? Caramel, je sais pas. Je leur demande pas mal, attends un peu. Ben attends, je peux y aller, c'est okay. Caramel. Caramel. D'après moi... Non, ça n'a pas l'air... Ça ne doit pas exister encore. C'est encore une adresse de ça, elle doit être autre chose. Oui, puis sur Wikipédia, pour ne pas le nommer, ça dit « fut l'un des plus importants portails web communautaire francophone ». Triste. Disparu en 2009, Mathieu. Aïe, aïe. On n'a pas vu ça passer trop récemment. Bref, on se demandera notre âge, sexe et endroit plus tard. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est développé encore sous le nom de GMX Caramel. Ça existe encore. Oh, intéressant. Mais sur un autre nom. Mmh. Eh bien. Geocities, bien sûr. Ah oui. On peut pas faire un top sur les années 90 sur Internet sans parler de Geocities, qui avait à son sommet 38 millions de pages créées par les utilisateurs. Donc, c'était construit autour du modèle des villes. Donc, tu pouvais choisir ta ville dans Geocities, qui avait un nom. Donc, ton adresse, c'est geocities.com/ le nom de la ville, puis après ça, le nom de ta page. Bref, c'était bien le fun. Moi, j'ai eu plusieurs sites sur Geocities. Ah oui? C'était une passion pour moi. Le texte qui scroll. Oui. Tout le temps sur l'écran, texte qui scroll. Donc, quand les gens ont appris à faire du code HTML, une des choses les plus faciles à faire était de faire un marquee, donc un texte qui roule tout seul, à côté d'un petit icône de courriel qui tourne. Oui. Avec un petit E ou un A commercial. Oui, ou une enveloppe qui se ferme puis qui fait. Comme pour imiter les vraies lettres. Ben, pareil, c'est comme ça que ça passe. C'est le même. Voilà, pour le top crime, il n'y a pas grand chose de super bon là-dedans. Qu'est-ce qui nous manque dans le palmarès des années 90 sur Internet? Moi, écoute, je me souviens, le premier ordinateur qu'on a eu chez mes parents, on pouvait écouter de la musique, mais c'était comme une liste de lecture. Tu sais, tu pouvais pas skipper des tunes, comme une cassette, finalement. Fait que ça a commencé comme ça, puis on était vraiment impressionnés. Ouais. Moi, j'ai toujours trippé sur Winamp, même qu'on utilise encore Winamp pour la musique. Moi, c'était pas mal ce que j'utilisais dans les années 90 aussi et encore aujourd'hui. Et ce que j'aimais, c'était les skins Winamp. Je sais pas si tu te rappelles. Tu pouvais télécharger des skins et en créer toi-même. J'avais créé des skins. Ah ouais, non, je me souviens pas de ça. Des petites apparences que tu mettais par-dessus ton lecteur MP3. Ouais, non, je me souviens pas de ça. Ben drôle. Il y a sûrement une couple de programmes, là. Real Player, ça existe encore. Real Player, ça existe encore, oui, tout à fait. J'avoue que Real Player, ils sont buffering sans cesse. Ah oui, c'est vrai, hein? Dans ton Netscape Navigator. C'est incroyable comment il arrêtait tout le temps. Tu peux jamais rien faire là-dessus. Et c'était tellement pixelisé, il y avait tellement des carrés. Ouais. Ça et les webcams. Juste les webcams. Dans le temps qu'un ordinateur ne venait pas avec une webcam. HD. Qui fait que t'en achètes un, c'est ça. Et qui maintenant peuvent te suivre des yeux pour être sûr que tu sois toujours centré. Ouais. Non, en temps, c'était juste une petite boule que t'ajustais la luminosité. Oui, exact. Et c'était vraiment laid. Tu pouvais rien faire de bois. Quoi d'autre? Là, faut dire, c'est parce que c'est difficile aussi de se rappeler qu'est-ce qui est années 90 fin, ouais, début ça, des années 2000. C'est ça qui est très dur. Tape-touche, je sais pas. Non? Oui, les logiciels où t'apprenais à écrire. À écrire, oui. Ben oui, c'est sûr. J'en avais sur des disquettes dans le temps, sur des logiciels comme ça, sur t'sais, DOS. D'ailleurs, en parlant de disquettes, tu sais que j'ai fait le ménage quand on a déménagé. Puis j'ai retrouvé, je pense, les 15 disquettes que ça prenait pour installer Windows. Aïe, aïe. T'as gardé ça? Non, mais je les ai pris en photo. Je les ai jetés, là, mais je les ai prises en photo. Wow, t'aurais dû les backups à quelque part. On n'a plus de lecteur. Ben non, c'est ça. J'ai plus rien pour. Les cassettes zip pour faire les backups. Les petites cassettes zip drive. Ah non, je me souviens pas de ça. C'était ça. OK. Ouais. Ouais. Les ports non USB. Les ports série, genre pour ton imprimante. Pour l'imprimante et tout. Qui fallait que tu fasses tout le temps l'espèce d'adapteur parce que c'était jamais les mêmes quand t'achetais une autre imprimante. Quand t'achetais une clé USB, non, ça c'est début des années 2000 encore, mais quand t'achetais une clé USB genre 16 megs. Oui. Ah oui. 8 megs. Ou, OK, attends, j'en ai peut-être une autre. Ah zut. Là, je viens de le perdre. On parlait de quoi d'imprimante? Ah, il fallait que t'achètes des CD de pilotes. Oui, il fallait que tu installes tes pilotes directement à partir d'un CD. C'est clair, t'avais pas de Windows Update. Non. Windows 98, là, on s'entend que j'ai eu bien du trouble avec. Au début des années 2000, j'avais encore Windows 98 dans certains endroits où il fallait que j'arrange ça. C'était juste la pire affaire du monde. La pire affaire. Moi, je dirais. Est-ce que tu as déjà téléchargé, on pourrait appeler ça un gadget là, maintenant, tu sais, d'ordi, là, de fond d'écran. Là. C'est comme un compteur de millage de ta souris. Ah, ben oui. Ah, c'est vrai. Ça, j'aimais ça, moi. C'est le fun, oui, je me rappelle ça. Oui, juste les petits compteurs de visite sur un site web. Ah, oui. C'est tellement facile à installer. Juste, oui, c'est vrai que c'était facile. T'as écrit genre 202 visiteurs. Oui. Ouais. Puis là, t'es comment? Puis là, toi, tu y allais plein de fois souvent en te disant ma page web, s'il te plaît. Pas d'autre. Pas mal ça, je pense. Hein. Ouais. C'est cool de se parler des affaires des années 90. Ou quand t'installais un jeu, puis que tes couleurs étaient pas bonnes, ça faisait bugger le jeu. Je sais pas si t'as déjà eu ça. Tu sais, mettons, moi, je pense, quel jeu qui faisait ça? C'était-tu Warcraft? Je sais plus, mais en tout cas, quand je le partais, ça disait poum! Puis là, ça faisait veiller, s'il vous plaît, changer votre configuration pour 16 bits couleurs, au lieu de 32. Ça se peut-tu, tout ce que je dis? Ça se peut, je me rappelle pas. En tout cas, il fallait que je le charge manuellement parce qu'il se faisait pas tout seul. C'est ça. Hey, ce qui me rappelle... ouais, ça me fait plaisir. Tu sais, tantôt, on a parlé du carnaval et que c'est le thème des années 90. Et là, on vient juste de dire que c'est donc difficile de se rappeler qu'est-ce qui est 90 et qu'est-ce qui est 2000. Par exemple, sur une des portes, et là, c'est vraiment pas un reproche, là, je vous félicite et je vous encourage quand même, mais il y a un Game Boy... avec la face du loup-garou du campus. Je sais pas si c'est voulu, mais le Game Boy original est sorti en 89, okay? Pas années 90, mais je sais que ça a été populaire pendant les années 90. Et le loup-garou du campus a commencé à jouer au Québec en 2000. Oh! Jusqu'en 2002. Extrêmes. C'est comme les deux extrêmes. J'imagine que c'était voulu pour dire ça englobe toute la décennie. La fin. Peut-être. Si c'est le cas, je trouve ça parfait. Ouais. Si c'est pas le cas, ben vous avez juste mélangé vos dates, mais c'est correct. Ben, dites que c'est le cas, dans le fond. C'est ça. Prenez ça, écoutez-nous le matin, puis on vous dit quoi faire. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc voilà pour la première partie de son foutu palmarès. On écoute Mafia Douce de Pendentif. Puis on aime ça. Mafia du bon Dieu. Ah, oh, wow. Wow. Mafiez-vous du gros... du gros méchant loup. Sorti du concert, goudron et plume, échappé du drugstore moderne. J'attends la cerise, le dessert. La chantilly coule dans l'ambulance. Je déambule jusqu'à la prochaine danse. Je fais partie de la mafia douce, celle qui te taxe par petites touches. Il est trop tard pour tourner dans le sexe. Je veux juste un baiser au bout de temps du sexe. Si je le suis, je serai resté. La nuit. Tu siffles dans les ballons, là où Mafia douce de Pendentif. Au retour, la suite de son foutu palmarès avec le professeur. Non, c'est quoi dans la chanson? C'est... Et leurs amis. Même pas dans la chanson, le sur professeur. Sur l'île de... Ben oui. Professeur et... Ma... Non, il est pas dans le français, il est pas dans... Son épouse. Non, non, non, on va recommencer. Le capitaine. Son épouse, t'as raison. Le capitaine, son épouse, non, pas en tout. On en reparle au retour. On la retrouve. Pas mal souvent. On va essayer de la trouver. Ouais, on trouve ça. Mais en français? C'est fou. 89.1. Oh, c'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique, dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. À bord, il y avait le matelot et le vieux capitaine. Cinq passagers partis sur un pour trois heures à peine. Pour trois heures à peine. Soudain, le vent se lève au large, un orage imprévu. Sans le secours de l'équipage, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Sur les bords d'une île inconnue, ils se sont retrouvés. Zéro. Y'a Gilligan, Gilligan, le capitaine, ouais, le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis. Et leurs amis. Sur les On ne mentionne pas le professeur. Et pourtant. Pourtant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage pourtant. Requis. Et pourtant. Ah, et pourtant, on aime le professeur. Toujours à son âge requis, on se le dit, 20 janvier 2014, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et la raison qu'on parle des joints naufragés, qui en anglais, on finit par introduire le professeur et Marianne dans les paroles de la chanson à partir de la deuxième saison. Ce qui est pas bête. Mais au Québec, en France, ben pas au Québec, mais en français en général, on n'a pas pensé à faire ça. Ça fitait pas au nombre de syllabes, faut croire. Ouais. On a fait « No ». ».« No way ». Ben tiens, on va quand même lui dédier, nous, au Québec, une petite partie de notre émission. Voici une deuxième partie de son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès où on parle évidemment d'une chose sous une forme de liste, bien, bien facile, on s'amuse là-dedans. Et cette fois-ci, c'est une liste de mentalfloss.com qui nous suggère un top des inventions du professeur dans Les Joyeux Naufragés. OK, moi j'aime ça. C'est cool quand même parce que vous savez, bon, Russell Johnson, qui est l'acteur qui jouait le professeur Roy Hinckley dans Gilligan's Island, est décédé jeudi passé à l'âge de 89 ans. C'est dommage, mais il va vivre pour toujours en tant qu'une des personnes qu'on aurait aimé vivre avec sur une île, mettons. Oui, mais si on avait à choisir une seule chose à amener sur une île, ce serait le professeur. Ça serait le professeur. Parce qu'il est bon à la bonne mouche. Ouais. Par exemple, il a fabriqué un détecteur de mensonges. Oui. Dans l'épisode de la saison 3, Lovey's Secret Admirer, Madame Howell, pardon, reçoit des notes amoureuses anonymes. Et bien, Monsieur Howell aime pas ça. Et le professeur grille vraiment, tu sais, comme un vrai détective. Chacun des membres de l'île, chacun des membres masculins, évidemment, pour savoir qui s'essaye avec sa femme. Aha. Il utilise du bambou pour fabriquer cet appareil-là à partir du le horn, c'est le klaxon. Le klaxon, si on veut, moi c'est ça du bateau, mais c'est pas ça, il n'y a pas un mot pour ça en français, je pense. La corde de brume. La sirène. La sirène. C'est une sirène, une corde de brume, c'est d'autres choses. D'accord. Donc, et les batteries de la radio. Ils ont tout un petit radio, là. Avec des batteries, oui, sur l'île des Z, ils ont des batteries pendant comme 4 saisons, mais OK. Wow, c'est des Duracell. Ça continue sans cesse. Donc, les batteries de la radio pour savoir quand il y a un mensonge qui est dit. Ensuite, dans un épisode de la saison 1, $3 million more or less, un épisode qui est en noir et blanc et qui a été colorisé par la suite, donc vous allez peut-être le reconnaître. Donc, on a inventé une roulette, comme au casino, et une table de poule, une table de billard. Wow! Donc, Monsieur Howell perd des millions de dollars contre Gilligan dans une partie de mini-golf. Il essaie de regagner son argent, oui, en jouant à des jeux de chance. Et le professeur crée une roulette et une table de billard. La roulette est faite à partir du volant, du bateau. Il y a un nom encore pour ça, un truc de navigation. C'est la barre. La barre, voilà. Oui, on dit tout le temps à la barre de telle animation d'émission. Il n'y a personne qui a une barre pour animer une émission. Pas pour on vrai. Dit à la barre. Ouais. Donc, utilise, c'est ça, la barre du bateau. Évidemment, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont pas capables de réparer le bateau, si on le sait. Et la table de billard est surtout du bambou et du filet. Ensuite, une montgolfière. Ils sont restés sur l'île, mais ils ont une montgolfière. C'est ça. Donc, dans l'épisode Gilligan meets Jungle Boy, on va mettre un jeune Kurt Russell dans le rôle du petit Tarzan. Et ben, donc, le groupe fabrique une montgolfière à partir de manteaux de pluie qui sont scellés par quelque chose qu'ils ont trouvé, je me jette sur leur île. Jungle Boy réussit à s'enfuir de l'île, mais personne d'autre ne réussit. Ah, ça va passer le plus petit. Peut-être. Une machine à laver. Oui, machine à laver. Parce qu'ils sont pris sur une île, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas propres. Hein. Donc, nos naufragés lavent leurs vêtements avec une machine fabriquée par le professeur qui fonctionne avec un vélo. Donc, la machine à laver apparaît dans plusieurs épisodes. On voit, entre autres, cette machine-là dans Gilligan's Living Doll de la saison 2. Ensuite, une potion pour guérir Gilligan de sa double vision. Ah! Ouais, Gilligan développe des problèmes de vision. Donc, le professeur fabrique une potion à partir de baies qu'on appelle des captiboras. Et ça prend un petit peu d'essai et d'erreur, mais finalement, il se rend. Bravo, professeur. Ben oui. C'est un médecin, en plus. Il est tout. Tout. Un truc pour repousser les requins. Dans l'épisode Two on a Raft, le tout premier épisode de l'émission, donc évidemment en noir et blanc, colorisé plus tard, le professeur concocte une potion pour le capitaine et Gilligan à utiliser quand ils ont besoin d'aide. Et donc, évidemment, les matériaux de l'île qui ont été utilisés étaient mangeables. Donc, on ne sait pas comment il fait pour trouver qu'est-ce qui est mangeable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais il sait. Il le sait. C'est un dieu. Ensuite, lorsqu'une météore atterrit sur l'île dans l'épisode Meet the Meteor, le professeur fabrique ce qu'on appelle un Geiger counter pour tester la radioactivité de cette même météore. Ah, wow! Super simple. Ben oui. La radioactivité. Il n'y a rien là. Ils sont pas capables de réparer le bateau. C'est ça le problème. Un chargeur à piles. Ça répond peut-être à ce qu'on a dit plus tôt. Ben oui. Chargeur à pile. Dans l'épisode X Marks the Spot de la première saison, encore une fois en noir et blanc, le professeur fabrique un chargeur à batterie à pile à partir de noix de coco, de coquilles de noix de coco, oui, et d'eau de mer. Donc, en fait, il détaille tout le processus dans l'épisode. Si jamais vous voulez l'essayer, là, c'est vraiment quand même très, très détaillé, mais c'est sur assemblagerequipe.com dans l'article de l'émission. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à faire fonctionner la radio, juste à temps pour savoir qu'il y a une attaque nucléaire. En fait, une warhead nucléaire, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, un projectile, si on veut, nucléaire, qui s'en vient vers eux. Donc, c'est comme ça, c'est en réussissant à recharger les batteries pour l'entendre à la radio. Wow! Leur seule source de nouvelles. Ben, tu vois... Ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. La nitroglycérine. Quand un volcan menace de faire éruption et détruire l'île dans Operation Steam Heat, le professeur a comme théorie que de faire exploser ce volcan-là va résoudre tous leurs problèmes. Évidemment. Donc, apparemment qu'on peut faire de la nitroglycérine à partir d'objets qu'on retrouve comme ça sur une île. Pourquoi pas? Donc, ça prend de l'acide sulfurique et je crois que c'est du cuivre cristallisé. Mais là, évidemment, je traduis des choses que je connais pas trop, là, donc c'est difficile. Du glycérol qui vient de la graine du papaye et de la nitrate de potassium qui vient des roches du lagon. Eh ben, sur l'île. Fascinant. Et finalement, de l'essence ou du gaz à jetpack. Jetpack, le sac à dos qu'on tient sur son dos. Donc, jetpack finit par se perdre sur l'île. Tombe comme ça instantanément sur l'île avec un petit peu de gaz. L'équipe ou la gang sur l'île est capable d'utiliser pour s'enfuir. C'est ça. Il a réussi à trouver du gaz, à faire du gaz. C'est incroyable. Pour le jetpack. Une source infinie. Oui, de sagesse. De sagesse. et de connaissance. Tellement. Donc, c'est Russell Johnson qui jouait le professeur Roy Hinckley dans Les Jouets naufragés. Voilà. Qui est décédé jeudi passé à l'âge de 89 ans. Intéressant. Oui, c'est très cool. Merci à Mental Flash et les liens sur assemblagerequipe.com comme toujours. Il nous reste quoi, une quinzaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui? Oui. On aime ça? Mm-hmm. Ça va très bien. Ça va même très, très bien. Très, très bien. un peu comme un naufragé, connais-tu un de mes préférés dans la gang? Là, bon, t'avais le professeur, oui. Marianne, Ginger, Monsieur Howell, son épouse, Capitaine Gilligan. Ils sont quoi, 7? Ouais. Gilligan. Ouais. Mais bon. Moi, je me rappelle d'un huitième... naufragé, c'était David Marin. David Marin, le vent bleu. David Marin. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'automne. Comme un matin de rentrée. Un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui fait faux bon. Donne envie de plonger pour voir si dans le fond y a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. à l'automne résonne jusque dans le piano. Les tunes que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. David Marin avec le vent vire. Oui, le célèbre huitième des Joyeux Naufragés. Oui, des Joyeux Naufragés. David Marin. Ah, oh, j'aimais ça, cette série-là. Oui, moi aussi, pour vrai, même la première saison, une fois colorisée, moi j'écouterais bien en noir et blanc, mais à dire qu'elle repasse autant sans couleur à la TV. Bon, mais tant qu'à la voir. Un peu comme Ma sorcière bien-aimée, as-tu vu que les deux premières. Je crois que c'est les deux premières sont peut-être juste la première, sont en noir et blanc. Ah, je savais pas, non. Ils viennent de sortir le coffret de la série complète. Je l'ai vu au magasin hier et c'est marqué que la saison 1 est colorisée. Bon. Mais avant, quand il avait sorti juste la saison 1, t'avais le choix entre la colorisée. Entre les deux. Ben, il aurait pu, ça doit pas être très gros comme format. Là. Il aurait pu mettre les deux. T'sais. Ouais, t'aurais pu avoir le choix. J'avoue, mais toi, qu'est-ce que t'en penses des émissions colorisées, mettons? Tu sais, les dents ont l'air comme bizarres, puis on dirait que c'est comme gris, puis les cheveux sont comme plats. Pis... J'ai pas remarqué. Non, je sais pas. Faudrait que je vois, que j'en vois un là. C'est bizarre. Mais tu sais, artistiquement parlant, il me semble que noir et blanc, c'est bien en masse. Pas besoin de la couleur. Ben, pour de vrai, non. Moi, tu peux le refaire, mais c'est le fun s'ils le refont, mais vraiment de bonne qualité. Là, quand ils se forcent comme là, ils ont fait récemment un épisode de I Love Lucy, une série très, très connue aux États-Unis. Okay. Ils l'ont passé en prime time sur un grand réseau, l'équivalent d'un genre de TVA Radio-Canada. Donc, c'était à CBS dans le coin de Noël. Ils ont passé deux épisodes colorisés par différentes compagnies pour que tu puisses vraiment voir la différence entre les deux. Il y a des extraits sur YouTube. Et Colin, la version d'un des deux épisodes là, qui a été faite plus récemment, ça commence à bien aller. À bien sortir. Ouais. Ils se basent souvent sur des photos qui ont été prises sur le plateau de tournage par des gens. Donc, tu sais, évidemment, les caméras filmées en noir et blanc, mais les quelqu'un prenait une photo, un souvenir. Ouais. Et évidemment, vu que le décor était fait pour le noir et blanc, mais ben, souvent, les murs étaient ternes, comme, mettons, bon, le mur était un genre de bleu très, très pâle ou un beige très ennuyant, tu sais. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils ont reproduit pour la version colorisée, parce que c'était la vraie couleur. C'était ça, la couleur. Mais c'était pas fait pour avoir l'air de ça. C'était peut-être pour avoir l'air d'un rouge quand ils l'ont filmé, tu sais. Ouais, puis potentiellement aussi... Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, la teinture... Et c'est ça, c'était fait pour le noir et blanc, finalement. C'est ça, c'est je suis juste en train de répéter ce que tu dis. Ouais, mais moi, ce que je trouvais bizarre, c'est le fait que Lucy Ball, qui est l'actrice principale là-dedans, avait les cheveux roux dans l'émission. Et dans un des deux, je sais pas si c'est les deux ou une des deux, mais elle avait pas les cheveux aussi roux ou même pas roux pantoute. Fait que je trouvais ça bizarre. On dirait, tu fais le décor au max, genre selon les photos, mais tu te soucies pas du fait que sa marque de commerce, c'est ses cheveux. C'est ses cheveux roux, ouais. Bon. Bon. Je trouve ça bizarre. Sinon. Sinon, quoi de neuf? Il reste pas grand-chose à faire à l'émission. On n'a plus grand matériel, comme vous le voyez. Ben non, mais j'ai déjà parlé du film que je suis allé voir au cinéma. C'était Wolf of Wall Street. Ouais. Tu nous as pas donné ton opinion, je crois, sur le film. Ah! Rapidement, ben non. Ben rapidement, très bon film. Allez voir, dépêchez-vous, parce que je suis pas sûr qu'il reste ben longtemps encore en salle. Puis c'est quand même long. C'est un film de 3 heures. Mais ça vaut la peine de le voir au cinéma. Ah ouh! Ah c'est un film avec Leonardo. C'est vrai, le beau Leonardo DiCaprio. Mais mis à part le fait que, bon, c'est un bel homme, mais quel bon acteur. C'est vrai. Vraiment. Dans tous les rôles, hein? Oui, vraiment, mais il a un rôle assez particulier, là, je te dirais, dans ce film-là. Puis, wow, ils font beaucoup de drogue. Je dirais que c'est 18 ans et plus, ce film-là. Ouais. Est-ce que j'ai entendu dire, tu me diras si je me trompe, qu'il y a des effets spéciaux pas mal dans le film? Bon, peut-être. Où ça, je me le demande, tu sais. Ben, il y a quand même des scènes assez loufoques, là. Genre, c'est le singe qui passe le courrier dans la compagnie. Fait que c'est peut-être ça, les effets spéciaux. Peut-être bien. Ouais. Mais moi, ce que ça me rappelle, le loup de Wall Street, là, ça me rappelle évidemment la série Les Jeunes Loups, qui joue à TV en ce moment, qui apparemment est super mauvaise, mais bon. Ça me rappelle aussi la chanson Big Shot, d'un groupe qui s'appelle The Pack 80, comme un Wolf Pack. C'est une meute de loups. C'est The Pack 80. J'essaie de me rendre jusque-là. Des liens douteux. I think I said the end is coming. You said that's great, I'll be king. Well, you're a jerk, quite a piece of work. I think it's fun that you're so dumb. Pack AD. Big Shot. Ouais, Big Shot. Comme une meute. Ouais. Ouais. AD comme dans Alphonse Daudet. Alphonse Daudet? D'accord. Ouais. C'est super. Moi, tu me disais tantôt que quand même tout ce qui circule sur Internet en ce moment, c'est des affaires sur le pont Champlain, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te dis que le pont Champlain, ça avance aussi vite qu'une connexion modem. Hein? On en aurait abusé aujourd'hui. En fait, on en a abusé. Ça me rend juste compte que mes histoires ont vraiment jamais de punch. Ah, bon, au moins maintenant tu le sais. Oui, c'est confirmé. On écoute OK Go Love Me Long Time parlant de modem. Oui. Love me, love me, love me, love me, love me, love me. OK, go! Love me long time. Love me long time. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Quand même, on vous aimera longtemps pour toujours, mais on doit vous quitter quelqu'un. Mais OK, go, on doit partir. OK, go, on doit... Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, c'est pas trop fait. Mais on se retrouve dans environ 22 heures, plus ou moins. Ouais, mettons qu'on voudrait être précis. Là. Mettons demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, pas en rappel à partir de 7h30. Non. En rappel avant 7h30, par contre. Un petit peu. Demain à l'émission, on va accueillir un nouveau chroniqueur, une nouvelle chronique automobile, PRNDS. C'est Jean Samuel qu'on va recevoir pour parler de char. D'auto, demain. Ça, c'est à 7h30. Marie-Laurence Audet va nous présenter son segment Les loisirs bien plus qu'un jeu. Ça commence demain. Et Alexandra Carignan va nous parler d'art et spectacle, toujours dans le temps d'une culture. Bien chargé. T'es au courant maintenant de l'émission de demain? Oui. Ça, c'est la première fois que tu apprends certaines de ces affaires-là. Donc, t'es au courant pour demain matin. Voilà. C'est fait. C'est fait. On remercie Sébastien Dulude. Oui. Avec ses petites chroniques à différer, mettons. Roxane Dulon. Oui. La chronique à GQTR. La chronique du long et en large. Oui. De la GE. soyez là pour le dîner de corps à partir de 11h. Bonne fin de journée. C'est fou.ca. Oui, et assemblagerequis.com pour tout savoir. Bonne journée, JP. Bonne journée, Mathieu. À demain. Salut.